On va parler avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, si on parlait un peu de ce qui s'est. Hier, c'était la grande finale de la Ligue des Champions et le Real Madrid, 14e titre. Je pense que c'est l'équipe la plus titrée, hein? Oui, la plus titrée devant le AC Milan avec 7 titres. C'est vraiment à la Madrid, tu sais, quand je suis allé à Madrid, les supporters dans le stade, c'est la chanson au début du match, puis à la fin du match, à la Madrid, qui veut dire aller Madrid. Puis moi, j'étais en discussion en même temps, c'est drôle, avec mon guide espagnol, parce que lui, il est un grand fan du Real Madrid. Ça n'a pas été un grand match, parce qu'on a vu Danny, je te dirais qu'on a vu des meilleurs matchs là, dans les huitièmes, dans les quarts, le match contre le Paris, les remontées du Real Madrid dans les quarts huitièmes de finale. Écoute, mais une belle victoire, Benzema chez eux en France, victoire de 1-0. C'est le gardien Théo Courtois, le Belge, là, qui a vraiment dominé ce match-là avec des arrêts incroyables. Il a sauvé plusieurs buts là, contre les attaquants vedettes là, de Liverpool, Mohamed Salah et puis Sadio Mané. Vraiment, il a fait des arrêts incroyables. Donc, une victoire de 1-0, 14e titre, oui, le record. Donc, ils ont une grosse avance. C'est le club par excellence. Et quand ils jouent à la maison, là, c'était au Stade de France. On sait que la finale devait se disputer à Ah Saint-Pétersbourg ouais, à cause en Russie. des affaires qu'on sait, qu'on connaît. Avec ce qui se passe présentement. Donc, le match a été disputé au Stade de France. C'était la folie furieuse. Le match a été retardé de 30-35 minutes, Danny, parce qu'il y avait des supporters qui essayaient de rentrer sans billet. Ça a brassé beaucoup là, à l'entrée du Stade de France. Je ne sais pas, les organisateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait peut-être une mauvaise organisation à ce niveau-là. Mais en tout cas, une belle victoire du Real Madrid. OK. 14e titre. OK. Donc, si on irait maintenant avec. Donc, ça n'a pas été. Maintenant, on va y aller avec ce qui s'est passé également. Donc, Mbappé qui signe avec. Qui reste à Paris Saint-Germain, ça n'a pas fait l'unanimité, hein? Il y a eu une petite controverse là-dessus, ce qui est un peu normal, à Marbella. Bien, sur l'actualité, Planète Foot, c'est bien sûr que c'était la grosse nouvelle de la semaine, l'annonce de Kylian Mbappé. Moi, j'étais certain que ça en allait au Real Madrid, retrouver Benzema, parce que Benzema va lui rester une ou deux saisons. Ben, quelques saisons, en tout cas, je ne dirais pas une ou deux, là, mais peut-être plus aussi. Mais il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. C'est sûr que c'est une histoire de gros dollars. Mais moi, je suis bien content. On va le revoir une deuxième saison avec Messi. J'espère que ça va bien aller. Neymar devrait être là encore, mais je ne suis pas certain qu'on veut garder encore Neymar au sein du PSG. C'est difficile, hein, avec des stars comme ça, d'être entraîneur. Et là, on devrait nommer un nouvel entraîneur d'ici les prochains jours. Je suis pas certain que l'entraîneur argentin Pochettino va rester en place. J'ai hâte de voir ça. À voir la suite de ça. Mais Mbappé avec Messi, une deuxième saison, je pense que ça va être très intéressant, là. Messi, on sait qu'il a eu de la difficulté à s'adapter avec le Paris Saint-Germain. Puis Messi n'est pas terminé, hein. Il fait encore des excellents jeux. Mais il faut que Messi comprenne que là, la star, le numéro un du club, c'est Mbappé. Et c'est sûr que c'est un gars de Paris, c'est un Parisien. Il vient pas loin d'être là, je pense. Fait que c'est une belle nouvelle pour le championnat français. Puis si ça pouvait amener une première Ligue des champions, ils l'ont échappé de peu, hein. Ils ont dominé le Real Madrid, mais ça a pris 15 minutes au Real pour donner 3 buts à Benzema pour éliminer le Paris Saint-Germain. On va se rappeler de ce duel-là, en huitième de finale. À voir là, la saison l'année prochaine là, qui va s'entamer avant la prochaine Coupe du Monde en novembre. OK. Si on parlait maintenant du Canada, tu parlais de la Coupe du Monde. Là, on rentre en position internationale. Et là, le match contre l'Iran, pour des raisons politiques, est annulé. Oui, pause internationale, on avait 3 matchs à disputer. Comment je te Il dirais, le reste deux. premier, ben c'est sûr que là, contre l'Iran, je suis pas certain qu'il va y avoir un match de Ça sert à remplacement. quoi? C'est des matchs pré, c'est des matchs Non, pré-saison, mais j'imagine, des matchs. le match contre l'Iran, c'est un match préparatoire à la Coupe du Monde, parce que l'Iran, dans la zone Asie, est qualifié. Donc, ça va être un match de préparation. Mais les 2 autres matchs, c'est un peu la Ligue des Nations, comme en Europe, un peu une ligue que la FIFA a formée là, avec les continents. C'est comme on prend tous les pays du continent CONCACAF et on fait des divisions là, selon leur performance des derniers matchs. Donc, le Canada est comme dans le groupe A et c'est pas des matchs amicaux. C'est comme une compétition officielle, mais qui va avoir un prix à la fin de tout ça. La Ligue des Nations, on se rappelle qu'en Europe, c'est la France qui l'a gagné. La première édition, c'était le Portugal. Et l'année passée, la France a gagné. Mais on veut faire vendre des billets. Ça permet aux équipes nationales de faire des matchs de niveau. On essaie de créer des matchs qui ont des équipes de même calibre. C'est un peu ça l'idée. Mais donc, on va jouer contre Je l'Honduras, sais le que j'ai vu les Curaçao. Américains contre l'Uruguay. Oui, ça, c'est un match. Il y a des matchs amicaux à travers ça aussi, là. Ouais. Je veux dire, le match à Canada-Iran, c'est, ben, on a mis les Américains se sont mis contre les Uruguay. Moi, j'aimerais bien voir arriver à un moment donné un match Canada-France. Ça Ben serait oui, très ben oui. intéressant. On sait qu'il y a trois joueurs du CF Montréal qui seront là. Donc, Samuel Piette, Alistair Johnston et Kamel Miller seront les trois représentants. C'est le club le plus représenté d'année avec l'équipe nationale canadienne. Il y a beaucoup de clubs dans le monde là, des joueurs qui jouent un peu partout dans le monde pour l'équipe nationale canadienne. Mais c'est le CF Montréal qui en a trois avec eux. Donc, C'est quand même assez décevant pareil, 14 000 personnes. à 14 000 personnes, oui, parce que là, tu sais, on parlera tantôt du nouveau logo et tout ça. Ouais. Revenons sur le terrain. On parlera du stade après. Victoire de 4-3, une belle victoire de Montréal. Le CF se maintient en troisième position, pas loin de la deuxième. Mais là, il y a Philadelphie Union qui semble s'échapper au niveau du classement, qui a des victoires là, à tous les semaines. Mais c'est une victoire importante. Et puis, il faut mentionner puis contre Cincinnati, Danny, il se marque beaucoup de buts contre l'équipe de Cincinnati. Je pense qu'en trois matchs, il y a au-dessus de 20 buts de marqués là, de part et d'autre, des matchs de 4-3, 5-4. Ce qui est bon, c'est que c'est Montréal qui s'en sort avec la victoire pas mal à date contre Cincinnati. Les deux, on a eu un match aussi du championnat canadien mercredi soir. On sait que si on veut aller en CONCACAF, on doit gagner le championnat canadien. Donc, une victoire de 3-0 contre Hamilton. Il faut rappeler les deux frères Chouanière qui ont disputé un match un contre l'autre, David et Mathieu, un pour Montréal et l'autre pour Hamilton. Trois buts du jeune qu'on a essayé dans Ibrahim, qui a marqué trois buts là, sur une passe de Kyoto, super passe pas de Kyoto, mais de Camara sur le deuxième but. Donc, Montréal va entreprendre sa demi-finale contre Toronto à Toronto. Je ne comprends pas pourquoi le match sera à Toronto et non à Montréal, parce que Montréal est champion de la dernière édition. Et aussi, je ne sais pas si c'est un pile ou face ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que présentement, Toronto n'a pas un classement favorable. Montréal est en avant dans la MLS. Et c'est Montréal qui a remporté l'année passée. Donc, je me demande comment ça se fait que c'est ce que j'ai cru au mois de juin. Le match va avoir lieu le 22 ou 24 juin d'année, là, je pense. Ok, Une demi-finale. ok. Oui. Donc maintenant, le logo, moi je suis pas spécialiste du logo, je l'ai trouvé très beau. Ben, le retour de la fleur de lys dans le Ouais. logo, c'est le premier point important dans ça. Moi, je l'ai mentionné sur ma page Facebook Espoir Soccer que je préférais l'ancien logo et l'ancien nom, mais Joey Saputo, et j'ai écouté la conférence après le lancement vendredi matin, on lui a posé la question, le nom Impact, ça revient pas. Pourtant, dans les discussions, ça avait été discuté aussi, mais c'est le CF Montréal qui va rester là. Et le logo, ben oui, c'est intéressant. Je préfère ça qu'au flocon. Mais j'aurai toujours une appartenance, une préférence sur ce qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On va avancer avec ça. Maintenant, on doit se travailler maintenant. Comment remplir le stade? Les Des ultras. victoires, des victoires, des victoires. Retour des ultras. Des questionnements qu'il faut se poser. Qu'est-ce que l'organisation va faire pour. Gabriel Gervais, ça me fait un maudit bon job, par exemple. Oui, excellent. Des bonnes explications. C'était très bon là, ce qu'il a mentionné là, par rapport à. Et puis c'est là que tu vois que Gilmour a fait le mal qu'il a fait, hein. Ben, Incroyable. je pense que oui. Je pense que oui, Danny, parce que veut pas, oui, on peut pas le critiquer, mais forcer d'admettre que juste cette histoire-là de changement-là, d'ailleurs, on revient avec un changement de logo. Je pense que c'est plutôt à ce moment-là, quand ils ont fait ce rebrand-là, on l'a pas vu beaucoup. Mais là, vendredi, on l'a vu beaucoup, il était là en place. Ouais. Je pense qu'on aurait dû. Il aurait dû être plus. Ouais. Il aurait dû être plus présent que ça par l'autre effectivement, lancement. effectivement, je suis d'accord avec toi. Autre chose peut-être à mentionner en terminant? Ben, le début du soccer régional, amis, Ouais. dans la région de Saint-Lac-Saint-Jean, ça commence demain, lundi le 30 mai. Et puis, il y a les équipes là, qui jouent dans le 2A, d'amis, dans Québec, qui vont jouer dans les Ligues à Québec. Là, il y a les équipes du Ventura, du Saguenay, Ouais. puis du Boréal. Tu fais un café, Danny? Un petit café? Évidemment, le soccer régional, évidemment, ça commence avec les ligues. J'ai fait un entrevue à Roberval également, donc c'est commencé aussi. C'est Donc. comment ça passe? Tous les entraînements sont commencés, puis les matchs officiels commencent demain. Puis Ouais. les équipes de jeunes, ben, on va souhaiter une bonne saison à tous les joueurs, les entraîneurs, au soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'année, c'est une belle saison d'été 2022. Parce qu'après ça, l'automne, on va recevoir une finale provinciale au mois d'octobre aussi, ici à Alma. Il va y avoir pas loin de 1000 à 1200 joueurs. Patrice Bernier va venir. On en reparlera. Hein? Patrice Bernier va venir faire un tour, ça c'est certain. OK. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence Soccer 5 Saint-Jean. Merci beaucoup. Salut, Danny. Merci.